Section 53 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 53. Les noces de Messaouda. Tableau algérien par Gustave Guillaumet. Chapitre 2. Au milieu de ses compagnes, Messaouda levant, abaissant tour à tour sa raquette de palmier, frappe en cadence la laine savonneuse, et chaque fois qu'elle s'interrompt pour reprendre haleine, on voit, dans l'eau qu'elle cesse de troubler, se refléter un moment sa gracieuse image. Parfois, jetant à terre le battoir, elle quitte sa pose accroupie, elle se dresse, et les jambes nues, le haïc retroussé, elle bat du pied ses chiffons mouillés avec les gestes rythmés d'une danseuse. L'œil peut alors, sous les plis de ses ajustements, suivre les inflexions de sa taille qui garde encore les signes de l'adolescence, tandis que les contours de la femme commencent à s'accuser en ses formes juvéniles, modélées sous l'action hâtive d'un climat brûlant. On donnerait au plus 13 ans à cette créature sauvage et précoce. Mais qu'importe à l'insoucieuse fille de savoir le nombre des jours qu'elle a vécu. Personne en son pays ne s'avise de mesurer la distance qui le sépare de la naissance ou de la mort. À quoi bon compter les moments d'une destinée si éphémère? L'heure présente est la seule qui appartienne aux croyants. Grandie au sein d'une société primitive, dans un développement presque animal, Messaouda est devenue une créature ravissante. Son corps, bien que frêle, est empreint de cette distinction qui donne les proportions longues et élancées. Chacun de ses mouvements conserve, même dans l'effort, une adorable langueur. L'éclat des yeux, l'agrément de la voix, la grâce de la démarche, viennent encore prêter leurs attraits à cette jeune beauté du désert, dont les fiançailles prématurées vont déjà recevoir leur consécration. Devant les témoins assemblés, la dot, exigée par sa famille, a été comptée en totalité. Les messagers de l'époux ont remis les présents d'usage, et les gens du Xar, tirés de leur somnolence, se disposent à célébrer l'union projetée par ces réjouissances publiques, dont une singulière coutume exclut les deux époux. L'approche d'un événement qui doit jouer un si grand rôle dans sa vie ne trouble pas sensiblement la sérénité de Messaouda. Devisant avec ses compagnes, elle tord sa laine d'un air tranquille ou l'étale nonchalamment sur la roche, sans que rien trahisse en elle les inquiétudes ni les joies qui préludent d'ordinaire à un acte d'où l'avenir dépend. Mais Saouda, simple et soumise, ne voit là qu'un changement de maison, à peine un changement d'habitude. Dans un pays de polygamie où l'on dispose des filles sans les consulter, elle peut encore s'estimer heureuse. Elle échappe au désenchantement de partager avec des rivales la couche de quelques voluptueux vieillards, sort dont une fille arabe est toujours menacée. Son fiancé est l'un de ces jeunes efféminés qui, du matin au soir, traînent les franges de leur bournou de carrefour en carrefour, de café mort en café mort, roulant des cigarettes entre leurs doigts. Pour lui, l'autorité du chef de maison va succéder à la suggestion filiale. Une riante perspective de pouvoir absolu, de désir satisfait, se dessine en ses pensées égoïstes. Mais pour sa future servante, le mariage réserve des lendemains différents. Un labeur pénible, un servage continuel, la livre aux caprices d'un seigneur armé du droit de l'abattre si elle désobéit. La femme arabe, qui croit que la nature l'a faite l'esclave de l'homme, subit sa triste condition, sans se trouver malheureuse. Elle y est d'ailleurs préparée de longue main. L'infériorité de son sexe éclate dès sa naissance, tandis que de brillantes fantasias saluent l'avènement d'un garçon, celui d'une fille n'est l'objet d'aucune fête extérieure. Les fils, entourés des continuelles faveurs du père, prennent vite de petits airs dédaigneux avec les compagnes de leur âge. Dans leur jeu, ce sont elles qui obéissent. On abandonne aux femmes le soin de les élever, sans se soucier de cultiver leur intelligence. L'apprentissage des devoirs féminins commence de bonne heure. À 4 ans, la mère habitue sa fille à porter un nourrisson sur les reins, qui s'assouplissent ainsi par degrés. La pauvrette, à mesure qu'elle grandit, courbe le dos sous le poids d'outres énormes, de fardeaux de plus en plus lourds. Puis, elle apprend à carder la laine, à la filer entre ses petits doigts. En même temps, on la dresse à traire le bétail. On l'initie aux besoins des animaux domestiques, vivant dans l'écurie ou dans l'étable, jusqu'à ce qu'elle n'ignore aucun des soins réclamés par chaque espèce. Battre le beurre dans la peau du bouc, rouler la farine en fin couscoussou, pétrir la pâte des galettes, et lorsqu'on tue un mouton, préparer les viandes de conserve, sont autant de travaux qu'elle arrive progressivement à bien remplir. À ces tâches subalternes se borne une éducation toute matérielle. L'arabe la trouve suffisante pour un être inférieur, qu'il exclut des prières publiques et auquel il ne permet même pas de manger avec lui. Mais Saouda est vive, adroite, expérimentée en tout ce qu'une paysanne comme elle doit savoir pour être une épouse parfaite. C'est plaisir de la voir manier la quenouille ou le fuseau. Sous l'action de ses doigts agiles, naît et s'allonge régulièrement le fil qui va former la trame ou la chaîne d'un burnou ou d'un haïk. Nul ne s'entend mieux qu'elle à dresser un métier, à échafauder fil par fil les laines de toutes couleurs avec le peigne ou la navette, à distribuer par d'ingénieux caprices l'ornementation d'un tapis. Et sa fantaisie bizarre, multipliant les rayures et les losanges, les franges et les pompons, sait embellir aussi bien le sac où l'on serre le grain que la musette destinée à orner la selle d'un cavalier. Avant de se décider à en faire sa compagne, le fiancé n'a pas manqué de se renseigner sur chacun des mérites de celle qu'il avait choisie. Des messagères ont eu charge de le tenir minutieusement au courant de ses capacités. Et jusqu'à la confection du plat qu'il aime, il calcule à l'avance quels avantages et quelles ressources le mariage doit lui apporter. Aussi l'heureux époux peut-il bercer doucement son âme en songeant à la ménagère accomplie qui bientôt franchira le seuil de la chambre nuptiale, tandis qu'avec ses compagnes, Messaouda regagne la maison où s'est écoulée son enfance pour y attendre l'heure où l'on viendra solennellement l'en arracher. Fin de la section 53, lue par Margot.